avec un flingue, ici. Alors tenez-vous tranquille, bande de cons. Bon, tu vois, hein, je fais tout ce que je peux vous aider. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. J'pense ici un rec qui est musique post-mortem. Déjà mort crew, ex-white label, ex-groupe extrême, hardcore expert. Vini, vidi, vite, j'suis reparti en PM. Finalement revenu par derrière comme Rocco. Passionné par cette merde, comme on marche, arrive dans le temps pour les chevaux. Et la thune que ça rapporte, un peu comme partout chez les casinos. Une cartouche dans le casier, gazier, si tu te la joues marseillais. Alors que t'es de Montpellier ou Béziers, proc Béziers. Pour un feat, une radio ou un live, en première partie du rookie à la mode. Les MC n'ont pas de fierté, j'm'en bats les couilles d'être écouté par des gars dont j'aurais pu être le père si leur mère avait été un chouïa plus bon. Si t'es de bas chez moi, monte le son, un chouïa plus fort. Entouré de baltringues, puis le perso, je les frappe depuis la cour de l'école. Je les laisse sur le carreau, normal, je distribue les KO comme Tyson ou les cartes au tarot. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. Direct de la tourment, Parnasse infernal. Du moins c'est ce que je ressens quand je vois vos figures sur Instagram. Je m'installe, pas, je suis que de passage. Si tu veux me voir en live, passe à l'usine ou à la salle. Inlassable comme le Highlander, inclassable. Depuis l'époque, depuis mon poste de production, je contemple le game sur Android Terminal. Je termine ma carrière depuis mon premier freestyle. Mon premier pressage, sentais plus le Z-là que le cellophane qui entoure ce bon vieux disque compact. Contact première, j'envoie Alexis, car le parcours m'invite à jouer les Kaiser Soze. Quand ce fils de pute prononce mon blaze à tort et à travers, on n'est pas frère parce qu'on a grandi dans le même patelin. Enlève ça ta tête gamin. Tous c'est tôt ou tard, tous pédés ou presque. N'invoque pas le diable si tu veux pas le voir devant ta porte, enfant de putain. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. Direct du cimetière, rap mon Parnasse sans pare-balles. Jette la pièce 50-50 pour que ça parte mal. Fusil à bombe dans la main droite et basse montagne. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. On repart. Intervalle 5 mètres. Silence total. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir. J'prêche pour ma paroisse, façon parloir.